طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue avec un autre exemple. Le cheikh il explique, cheikh Suleiman al-Ruhayli hafidhahullahu ta'ala, il continue dans ses exemples pour faire comprendre la différence entre la description d'un acte ou d'une parole comme étant kufr et la différence entre le fait d'appliquer le verdict sur un individu en particulier et de dire qu'il est kafir. Ça, c'est deux choses différentes, comme on l'a dit. L'exemple qu'il donne ensuite, c'est un autre exemple. Il dit, « Mithalun akhar, lamma daraba al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mathal li farhi rabbina bi tawbati abdihi bi rajulin kana fi falatin wa ma'ahu dabbatu wa alayha ma'uhu wa zaduhu. ففقدها فطلبها فلم يجدها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. Donc le cheikh donne un autre exemple. Il dit un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple pour illustrer la joie que Allah a de la repentance de son serviteur. Pour illustrer la joie que Allah a face à la repentance de son serviteur. Il a donné l'exemple d'un homme qui est dans le désert avec sa monture. Sur sa monture, il y a son eau et ses provisions. Il a perdu sa monture. Il l'a cherchée, il ne l'a pas trouvée. Alors il s'est allongé sous l'ombre d'un arbre et il a attendu la mort. Et là, quand il se réveille, il voit que sa monture est debout devant sa tête. Alors, il est tellement heureux et content que lorsqu'il la voit, il dit « Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah ». C'est-à-dire que quand il voit sa monture avec ses provisions et son eau, il est tellement content qu'il se trompe à cause de la joie excessive qu'il ressent, et il dit, « Oh Allah, tu es mon serviteur, et je suis ton Seigneur. » Il inverse là les paroles. « Akhta min shiddatil farah » Il a commis une erreur à cause de la grande joie qu'il a ressentie. Hein? « Hadha al-qawl bi dhatihi kufr » De dire ça, c'est du kufr. Hein? De dire par exemple, « Oh Allah, tu es mon esclave, tu es mon serviteur, et je suis ton Seigneur », ça c'est du kufr. Hein? Le cheikh dit, « هذا القول بذاته كفر. أن يقول الإنسان أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر. ولكنه لم يكفر لوجود المانع أخطأ من شدة الفرح. » Il dit, mais il n'a pas commis le kufr réellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un empêchement ici, dans ce hadith, qu'on dise de lui qu'il est kafir, et c'est qu'il a fait une erreur. Il s'est trompé à cause de la force de la joie qu'il a ressentie. Donc, on ne peut pas dire de lui qu'il est kafir. Un autre exemple, et ça c'est encore, vous allez voir, c'est encore plus fort que les deux premiers qu'on a lus, selon moi en tout cas. Mais vous allez voir, c'est un bon exemple. Ça aide à comprendre comme il faut la question. مثال ثالث في أول الإسلام قبل تحريم الخمر كان علي رضي الله عنه كان لعلي راحلتان يعني دابتان فرحلهما في فناء البيت ليذهب بهما إلى مكان ما. وكان حمزة رضي الله عنه مع بعض القوم يشربون الخمر في البيت قبل تحريم الخمر. Donc il dit qu'au début de l'islam, avant l'interdiction de l'alcool, Ali رضي الله عنه, il avait deux montures. Et il les a mis à l'intérieur de la maison, dans un espace vide. Et parce qu'il voulait les amener quelque part, alors il les a laissés dans cet endroit-là. Hamza, radiallahu anhu, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses amis en train de boire de l'alcool dans la maison. Ça, c'était avant l'interdiction de l'alcool. C'est-à-dire, l'alcool n'était pas encore interdit. Hein, parce que les musulmans, au début de l'islam, ils buvaient encore de l'alcool. Hein, c'était pas encore interdit. Et ils mangeaient une nourriture qu'on appelle as-sawiq. As-sawiq, c'est un genre de pâte, hein, fait avec avec une céréale ou quelque chose comme ça, avec du blé ou je sais pas quoi. Il dit, فَقَالَتْ لَهُ جَارِيَةً أنا أكل هذا والدابة في فناء البيت يعني كأنها تقول يا بخيل تقدم لنا هذا وعندك الدابة ما ننحرها ما تنحرها. Donc il dit que ils étaient en train de manger ça, puis la jeune fille, la servante, elle a dit on mange sawiq alors que il y a deux montures qui sont dans la maison. C'est comme si elle disait, hein, oh toi l'avare, hein, tu nous donnes ça à manger alors qu'il y a de la viande, hein, il y a des animaux, on peut les égorger pour les manger. فأخذ المدية المدية فنحر الدابتين وأخذ القوم يقتطعون ويشوون ويأكلون. Donc ils ont pris les animaux, ils les ont égorgés, les deux bêtes, et ils ont commencé à les griller puis à les manger. Ja Ali radiyallahu anhu wa idha bidabatay qad nuhirata. Ali rentre dans la maison, il voit que ces deux animaux, ces deux montures ont été égorgées et grillées et ils sont en train de les manger. Imaginez, subhanallah. Fa dhahaba ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yashtaki. Donc, ils sont allés voir le messager, il est allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour se plaindre. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه القوم. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé, puis il y avait des gens avec lui. فلما دخل عليهم وكلم حمزة رضي الله عنه. Donc, il est rentré et il a parlé à Hamza, رضي الله عنه. Et qu'est-ce que يعني ماذا قال حمزة رضي الله عنه؟ Qu'est-ce qu'il a dit حمزة؟ قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي وهو يخاطب من؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'il a dit حمزة؟ Il a dit est-ce que tu es autre chose qu'un esclave, hein, qui appartient à mon père et à qui il parle? Il parle au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Alors il dit وهذا القول كفر. هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. De dire cette parole là c'est du كفر. Et le شيخ il dit لكن ماذا قال الراوي الذي يروي الحديث؟ قال فعلم انه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقراء فخرج وخرجنا معه. Il dit Le narrateur du hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il était ivre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné. Il est retourné sur son chemin, puis il est sorti. Hein, on est sorti avec lui. علم أنه قد قال هذا القول وهو لا يعلم ما يقول لأنه سكران. Il dit, il a su qu'il a dit cette parole-là, il ne sait pas ce qu'il dit, il est ivre. Hein? فتركه وخرج. Alors il l'a laissé, il est parti. ولم يلحق به الكفر. Il n'a pas été qualifié ou touché par le kufr. ولم يوصف بكونه كافرا. Il n'a pas été décrit comme étant kafir. فهناك فرق بين وصف الشيء بكونه كفرا وبين إيقاع الوصف على الفاعل. Donc il y a une différence entre le fait de dire d'une chose que c'est kufr et le fait d'appliquer le verdict sur la personne qui commet l'acte ou qui fait ou qui dit la parole. Walaysa khassan bil kufr bal huwa am fi nusus al wa'id. Il dit ça, c'est pas seulement relié au kufr seulement, mais c'est général pour tous les textes qui ont rapport avec la menace. Fa mathalan ja'a fi al hadith anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala lu'inat al khamr ala 'ashrati awjuh بعينها وعصرها ومعتصرها وباعه وباعه بائعها ومبتاعها مبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. وهذا لعن عام. Donc il dit, c'est pas cette règle, ça s'applique pas seulement au coffre, mais ça s'applique à la, aux règles qui ont rapport avec les textes de la menace de façon générale. Comme par exemple, si dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit, hein, dans la, à propos de, du vin ou de l'alcool, 10 catégories de personnes, ou 10 choses. Il a dit celui qui la vend, celui qui transforme le raisin en jus, ou bien qui fait sortir son jus, hein, celui qui fait fermenter le jus, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le porte, celui vers qui il est porté, celui qui prend son prix, celui qui le boit, celui qui le verse, tous ces gens-là sont maudits. La malédiction, ça veut dire quoi? La'an, ça veut dire quoi? Ça veut dire at-tardu min rahmatillah. Ça veut dire d'être chassé de la miséricorde d'Allah. Donc ça veut dire que tu vas en enfer. Si tu es maudit, tu vas en enfer. Hein? Mais est-ce que le cheikh il dit fa'idhan sharib al-khamr la'anahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'nan 'amman. Dit celui qui boit de l'alcool, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit d'une façon générale. Hein? جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد الله وكان يلقب بحمارا يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. Donc il dit que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme est venu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un homme qui s'appelait Abdullah, son surnom c'était Himar, on l'appelait l'âne. Allah al-Musta'an. Il dit qu'il faisait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il venait, il le flagellait parce qu'il était toujours ivre. À chaque fois qu'il venait, il le flagellait comme ça. Une fois, on l'a ramené pour qu'il soit flagellé. Et une des personnes a dit, « Oh Allah, maudis-le. Hein? Il anhu. » Comme il y a des maudits là, comme il vient souvent, hein, pour se faire fouetter à chaque fois, il a maudit. طبعا هذا الرجل سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن شارب الخمر. Ce compagnon, il a entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui maudit le buveur d'alcool. Hein? Il l'a entendu et il dit, هذا الرجل الذي شرب الخمر أُتِيَ بِهِ مِرَارًا. Cette personne, on l'a ramené plusieurs fois à cause de l'alcool. وَجُلِدَ مِرَارًا. Il a été flagellé plusieurs fois. فَهَذَا الرَّجُلْ مَذَا قَالْ قَالْ اللَّهُمَّ لَعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. L'homme, il lui a dit quoi? Il lui a dit, oh Allah, maudis-le. Comme il vient souvent, on le ramène souvent celui-là. انتقلَ مِنَ اللَّعْنِ العام الى تنزيل اللعن على المعين. Il est passé de la malédiction générale du fait d'être maudit de façon générale et à l'application du verdict sur un individu particulier, de dire que lui il est maudit, hein, et d'appliquer le jugement sur la personne. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne le maudissez pas. Hein, par Allah, je sais qu'il aime Allah et son messager. Hein? فكان فيه من حب الله ورسوله ما يمنع وقوع اللعن عليه بعينه. Donc il y avait en lui de l'amour d'Allah et de son messager, ce qui empêchait l'application, hein, du jugement, de la malédiction sur lui en particulier. وبهذا نعرف أن من أصول أهل السنة التي هي الحق أنه لا يلزم من وصف الفعل وصف الفاعل. Et on sait donc que, hein, comme par exemple, il dit ça c'est des fondements de Ahl Sunnah, on connaît que c'est un des fondements de la vérité, que le fait qu'une description soit présente dans une personne, ça n'implique pas nécessairement que le verdict s'applique sur la personne en question. D'accord? Il peut y avoir quelque chose qui empêche que le verdict s'applique sur la personne en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a maudit la femme qui se voit qui est kasiya aria. Fa'innaha mal'ouna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'elle qu'elle est maudite. Elle se voile pas, elle se couvre pas. Mais est-ce que tu as le droit dans la rue, tu vois une femme qui est pas voilée, tu la maudis? Elle en particulier? Non, tu n'as pas le droit. Hein? Tu peux dire que la malédiction d'Allah soit sur les femmes qui font ça. Mais de la maudire elle en tant qu'individu, ça c'est pas permis. Hein? Donc ça c'est une règle. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. الشيخ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية a dit que la réalité de cette affaire, c'est que la parole que quelqu'un dit peut être kufr en elle-même, et on va dire, yani, de façon générale, que celui qui fait ça, il est kafir, mais la personne ou l'individu en particulier, on ne va pas le déclarer mécréant et dire qu'il est kafir en particulier, jusqu'à ce que la preuve ait été établie contre lui. Jusqu'à ce que la preuve par laquelle il devient mécréant soit établie contre lui. Et il dit le cheikh, فَإِذَا قَامَتِ الْحُجَّةِ عَلَى الْمُعَيَّنِ يَنِي حُكِمَ عَلَيْهِ بِمَا يَقْتَضِيهِ فِعْلُهُ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وَبِهَذَا نَعْلَمُ أن العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله خلافا لما عليه الشباب الآن فإنهم يتهيبون أن يكفروا أحدا بعينه. Donc là le cheikh il explique, il dit donc une fois que la hujja, la preuve a été établie contre un individu en particulier, là il dans ce cas-là les ulama vont juger qu'elle est kafir, cette personne, et que l'individu est kafir. Et le cheikh, il veut montrer qu'il y a un autre extrême, parfois chez les gens. Il y a ceux qui sont trop rapides au takfir, il y en a d'autres qui ont peur d'appliquer le takfir sur la personne contre qui la preuve a été établie. Et ça, c'est une autre exagération ou un autre problème. Il dit, et donc, cheikh Ibn Uthaymin a dit, et c'est ainsi que nous savons que les ulama, ils jugent qu'une personne en particulier et dans l'apostasie ou d'autres parmi les choses qui sont impliquées par ce qu'il a fait comme action, contrairement à ce que certains jeunes aujourd'hui font, et ils ont peur de déclarer quelqu'un de mécréant de façon spécifique, hein, alors que la preuve a été établie contre la personne. Il dit وفي هذا الكلام تنبيه مهم لأن الشيخ رحمه الله يعالج مسلكين متقابلين. Le cheikh il dit dans ça il y a une note très importante. Le cheikh il fait face à deux voies opposées. Et à notre époque c'est souvent le cas. On a toujours on fait toujours face à deux extrêmes qui s'opposent l'une l'autre. Dans ces questions-là, c'est souvent le cas. Quand il y a un extrême, il y a toujours un autre extrême qui vient dans le sens opposé. Et ici, le cheikh, il dit, أحدها مسلك الذين يتهورون في الحكم على الناس بالكفر، والثاني مسلك طائفة من الناس لا يريدون أن يحكم على أحد بعينه بكفر ولو بحق ولو من أهله. Donc il dit il y a un groupe qui font le takfir des gens hein, et qui jugent sans aucune règle que les gens sont kuffar, et l'autre groupe hein, à l'opposé qui eux ne veulent pas qu'on déclare personne hein, comme étant kafir, même si c'est basé sur un jugement véridique et même si c'est un verdict qui a été déclaré par les savants. وقال الشيخ رحمه الله وهذا غلط إذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء لأنه ليس لنا إلا ظاهر. Il dit donc que ça c'est une erreur. Si on trouve que le kufr est présent et que les conditions sont réunies et qu'on a enlevé les empêchements, et dans ce cas-là, on déclare la personne spécifique comme étant mécréante et on agit avec lui selon le comportement qui est dû au kafir dans toute chose. Parce qu'on a rien d'autre, on se base sur rien d'autre pour juger que ce qui est apparent. Il dit « وَقَالَ أَيْضًا فَدُعَاءُ الْقَبْرِ شِرْكِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنْ فِعْلُهُ هَذَا مُشْرِكِ أي بعينه حتى نعرف قيام الحجة عليه. Le Sheikh il dit, hein, par exemple, on dit de faire des du'as hein, auprès d'une tombe, d'aller auprès d'une tombe pour faire des du'as, c'est du shirk. Mais on ne peut pas déclarer qu'une personne en particulier, qu'elle est mushrik, hein, si elle fait ça. Jusqu'à ce qu'on ait établi la preuve contre la personne. Peut-être qu'elle va là-bas juste pour faire du'a. Peut-être qu'elle ne va pas pour faire du'a à la personne qui est enterrée. Hein? Ou bien peut-être qu'elle pense que de faire du'a à cet endroit-là, eh bien c'est quelque chose qui fera qu'elle sera plus exaucée qu'ailleurs. Dans ce cas-là, ce serait hein, une bid'a, ce serait un shirk asrar, pas un shirk akbar. Mais si elle croit que, si elle va là-bas pour prier la personne qui est morte, ça c'est du shirk akbar. Mais tu ne peux pas savoir ça juste en voyant la personne. Il faut établir la preuve contre la personne. Et ça implique de vérifier est-ce que les conditions sont présentes et d'éliminer les empêchements. Il dit وَأَيْضًا Il dit وَلِذَلِكَ فِي فِتْنَةِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ أكثر السلف قالوا نصا من قال بخلق القرآن فهو كافر. Il dit dans la fitna au sujet du Coran, ceux qui ont dit que le Coran est créé, les Mu'tazila, les Jahmiya, ils ont dit que le Coran il est créé. Et les ulama ont dit textuellement, la plupart des imams des salaf, ils ont dit textuellement que celui qui déclare que le Coran est créé, il est kafir. Hein? La majorité des imams d'Ahlus Sunnah, ils ont presque tous dit ça. Et il dit le Cheikh, « Wa minhum l'imam Ahmad » Et parmi eux, l'imam Ahmad a dit ça, que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. « Wa ma'a dhalika ma kafara a'yanahum » Et malgré ça, il n'a pas déclaré kafir ceux qui l'ont dit hein, à son époque. « Hatta l'wulat alladhina kanu ya'muruna al-nasbi al-qawl » Même les dirigeants de son époque qui imposaient et qui forçaient les gens de dire que le Coran est créé, il ne les a pas déclarés kuffar. Hein? Alors qu'il ordonnait aux gens de dire une parole de kuffar. Le Cheikh il dit وما ذلك ما كفر أعينهم حتى الولاة الذين كانوا يأمرون الناس بالقول بخلق القرآن. ويعذبون الناس على القول بخلق القرآن. Même il torturait les gens pour les forcer à dire que le Coran est créé. فلنتنبه ولاة يقولون بخلق القرآن وما اكتفوا بهذا. يعني des dirigeants qui disent que le Coran est créé. Ils se sont pas limités à ça. بل هم يأمرون الناس بأن يقولوا بخلق القرآن. En plus, ils ordonnent aux autres de dire que le Coran est créé. وَيُعَذِّبُونَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا بِخَلْقِ الْقُرْآنِ. Et ils torturent les gens pour que les gens disent que le Coran est créé. Et ça, c'est du kufr. Tout ça, c'est du kufr. حَتَّى بَلَغَ الْحَالِ بِأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمْ يَتَأَوَّلُونَ حَتَّى يَسْلَمُوا. Yani, même que c'est arrivé à un point que la plupart des ulama, ils sont obligés de trouver des moyens d'interpréter les choses pour être épargné de l'emprisonnement et des menaces. Hein? Donc, il interprète les choses pour pas être torturé, pour pas être emprisonné, pour pas être tué. فَكَانَ يُؤْتَى بِأَحَدِهِمْ فَيَقُولَ الْقُرْآنُ وَالتَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ كُلُّ هَذِهِ مَخْلُوقَةٌ وَيُشِيرُ إِلَى أَصَابِعِهِ وَيَقْصُدُ أَصَابِعَهُ. Hein? Certains, on a mentionné à leur sujet que pour se sortir de cette impasse, ils utilisaient des ruses. Les savants, certains savants, ils disaient At-Torah, wal-Injil, wal-Zabur, wal-Qur'an, kullu ha'ula'i makhluqa. Et lui, il dit le Qur'an, la Torah, l'Injil, le Qur'an, tous ces quatre sont créés. Il parle de ses doigts. Ces doigts-là sont créés. Mais il fait croire que, il veut dire, pour être épargné de la prison. Hein, pour pas être égorgé, yani. Donc lui, quand il dit ça, c'est en fait, c'est comme si il fait croire à l'autre qu'il est d'accord avec qu'est-ce qu'il veut entendre. Mais lui, dans son cœur, l'intention qu'il a quand il dit ça, c'est que ses doigts sont créés. Hein, d'accord? Donc ça, c'est uniquement pour être épargné du châtiment. إلا الإمام أحمد، except الإمام أحمد، ها يقصد ها الإمام أحمد كان يعني وقف الإمام أحمد lui non il est resté ferme وكان يقول ائتوني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله. Il disait à ces gens-là, ramenez-moi un verset dans le Coran ou un hadith de la Sunna du messager صلى الله عليه وسلم. Si vous me ramenez une preuve que le Coran est créé dans le Coran et dans la Sunna, je vais le dire. Bien entendu, il ne pouvait pas ramener. Hein? بَقِيَ ثَابِتًا مُصَمِّمًا. Il a refusé de dire que le Coran est créé. Et il disait, « Al-Qur'an kalamu Allah. » Le Coran est la parole d'Allah. وَكَانَ يُجْلَدْ حَتَّى يُجْرَحْ جِلْدُهُ. Il était fouetté jusqu'à ce que son dos soit blessé. وَكَانَ يُسْحَبُ سَحْبًا من أجل أن تتأثر مفاصله. Donc, يعني, en tout cas, il était torturé de différentes manières. Et pour que ses articulations soient disloquées, يعني, il le tirait d'une façon, يعني, Allah musta'an. ومع ذلك, لما مات الخليفة الذي فعل به هذا, قال إنه, قال إنه يحله. قالوا له أوتحله وقد فعل بك ما فعل. قال رحمة الله جملة, قال رحمه الله جملة عظيمة, قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. Quand le khalifa qui lui a fait ça, il est mort, il lui a pardonné, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a dit, tu vas lui pardonner. Alors qu'il t'a fait tout ça, il a dit une parole très forte, hein, une grande parole. Il a dit, à quoi sert, hein, où est le bien que Allah châtie ton frère musulman à cause de toi, hein? Donc ça, c'est un exemple de la miséricorde de l'imam Ahmad qu'il avait pour les musulmans. « وَلَمْ يُكَفِّرْهُ l'imam Ahmad هُنَا. فلم يكفره الإمام أحمد هنا لأنه قال ما ينفعك بأن يعذب الله أخاك المسلم بل زاد الأمر أنه لا يحب له أن يعذب ولذلك أحله. Donc il dit, يعني il n'a pas, non seulement il n'a pas déclaré kafir, mais même il voulait même pas يعني qu'il soit châtié à cause de lui. Subhanallah. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان الإمام أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، لكن ما كان يكفر أعينهم. Donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que l'imam Ahmad déclarait mécréant les Jahmiyyah de façon générale à cause de leur négation des noms et des attributs d'Allah. Mais et aussi parce que leur parole, elle est en opposition totale et une négation totale de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné de façon apparente et claire. Mais ils ne déclaraient pas kuffar les individus parmi eux. Il dit « وَتَكَلَّمَ عَنْ مَسْأَلَةِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَمَعَ هَذَا فَالَّذِينَ كَانُوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، يعني يكفرون ويكفرون من لم يجبهم. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به. Le Cheikh il dit que يعني il a parlé à propos de la question de la création du Coran, le fait que ils disent que le Coran est créé. Et il dit que ceux parmi les dirigeants qui disaient que, qui répétaient la parole des Jahmiyyah, que le Coran est créé et que Allah ne va pas être vu dans l'au-delà, ils nient que les croyants vont voir Allah dans l'au-delà, et d'autres également parmi les choses. Et ils appellent les gens à ça, et ils éprouvent et testent les gens à ce sujet-là, et ils les châtient, ils les torturent s'ils ne répondent, ils n'acceptent pas, et même qu'ils les déclarent kuffar même, s'ils refusent de le dire. D'accord? Et malgré tout ça, l'imam Ahmad, il a invoqué la miséricorde d'Allah et le pardon pour eux. Parce qu'il savait que il ne disait pas ça pour démentir le messager. C'est-à-dire que l'imam Ahmad avait compris que eux, ils n'ont pas réalisé que en disant ça et en agissant ainsi, ils étaient en train de démentir le messager d'Allah et de renier ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Walakin ta'awwalu fa akhta'u. Mais ils ont mal compris, ils ont mal interprété la religion et ils ont commis une erreur. Fa qalladu man qala lahum dhalik. Ils ont suivi de façon aveugle ceux qui leur ont répété ces paroles. Et donc, à cause de ça, ils les excusaient par rapport à leur erreur et leur ignorance. فهؤلاء الخلفاء كان المعتزلة يقول لهم هذا هو الدين فظنوا أنه الدين فهم متأولة فلم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله بأعينهم. Donc le Cheikh il dit que ces خلفاء parmi les معتزلة, il leur disait, c'est ça la religion. Les Mu'tazila disaient aux Khulafa, c'est ça la religion. Et eux, ils croyaient que c'était réellement ça la religion. Donc, c'était des gens qui avaient commis une erreur dans leur compréhension. Et pour cela, l'imam Ahmad ne les a pas déclarés mécréants. إذن يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين وصف الفعل وأن القول بكونه كفرا أو القول بكونه كفرا وبين وصف الفاعل أو القائل بهذه بكونه كافرا. Donc une fois qu'on a su ça, il faut comprendre donc qu'il y a une distinction entre le fait de décrire une action ou une parole comme étant kufr et le fait de décrire la personne qui fait ou qui dit comme étant kafir. D'accord? Donc, le Cheikh maintenant il va parler des conditions, de certaines conditions au sujet du takfir. Hein, il va énumérer les conditions du takfir et c'est avec ça que je vais terminer. Le cheikh il dit شروط التكفير إذا تبين لنا ما سبق فإنه يجب أن نعلم أن الإلحاق أن لإلحاق الكفر بالقائل أو الفاعل شروطا عند السلف لا بد من اجتماعها. Donc une fois qu'on a compris cela, il faut savoir que il est obligatoire de savoir que pour que on puisse rattacher le coffre d'une parole ou d'une action et de l'appliquer à une personne, il faut qu'il y ait des conditions qui soient présentes et réunies chez les salafs, hein, selon les salafs. Et le cheikh, il mentionne ces conditions-là. La première condition, الشرط الأول إقامة الحجة, que la preuve doit être établie. بأن يبلغه الدليل بلوغا يفهمه. C'est-à-dire que la preuve lui ait été parvenue d'une façon qu'il comprend. والحجه نوعان. Et la preuve est de deux catégories. Hujja est de deux catégories. Hujjatu ilmin wa hujjatu qiyad. La première catégorie de preuve, c'est la preuve dans le savoir, le preuve par le fait de savoir, et la deuxième preuve, c'est la preuve dans le fait de se soumettre et de mettre en application et d'accepter la preuve. Wal matloub an tablughahu hujjatul ilm. La deuxième, c'est la preuve dans la soumission, dans le fait d'accepter ou de le mettre en appliqué. Hujjatun qiyad, inqiyad. Hein? Et il dit, wal matloub an tablughahu hujjatul ilm. Qu'est-ce qui est exigé ici? Qu'est-ce qui est recherché? Qu'est-ce qu'on veut obtenir de la personne? Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est que la personne, elle reçoit la preuve dans le savoir, dans la science. Qu'elle obtienne le savoir et la science de cette preuve. C'est ça l'important. De manière à ce qu'il connaisse le texte et qu'il le comprenne. En ce qui concerne la preuve de la soumission, que la personne se soumette à la preuve et qu'elle l'accepte, ça c'est pas une condition. فكونه يقول انا سمعت النص وفهمته ولكن غير مقتنع فهذا بلغته الحجه. Donc si la personne elle dit j'ai entendu le texte et je l'ai compris mais je suis pas convaincu, lui la preuve elle a été établie, elle lui est parvenue même s'il n'est pas convaincu. L'important c'est qu'il a pris connaissance du texte et qu'il l'a compris. فتقرا عليه الايه وتفهمه الآية ويفهمها ثم يقول نعم لكن أنت وهابي لا آخذ منك الدين فهذا قامت عليه الحجة لأن الذي بقي عليه الانقياد. Donc il dit, quelqu'un, tu lui récites la preuve, tu lui lis le verset, tu lui lis le hadith, il l'entend, il le comprend, puis après il te dit oui, mais toi tu es un wahhabi et puis je prends pas de toi. Alors lui, il dit la preuve, elle a été établie contre lui, hein? Parce que il lui reste à se soumettre et il veut pas se soumettre, ça c'est son problème. ولذلك من قال من بعض العلماء لا تشترط إقامة الحجة مقصوده بالحجة حجة الانقياد والتسليم أما حجة العلم فأهل السنة متفقون على أن بلوغها شرط لإلحاق الحكم به. Donc certains savants qui ont dit par exemple non, l'établissement de la preuve c'est pas une condition, ils veulent dire par cela la preuve dans la soumission et l'acceptation. En ce qui concerne la preuve dans la science, le fait de savoir la preuve, ça c'est une condition que tous les savants d'Ahl Sunnah ont accepté, qu'il doit obtenir et connaître le texte et la preuve, et que c'est une condition pour appliquer le verdict sur la personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet dans le verset 15, dans surat Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 15, dans surat Al-Isra, nous n'allons pas châtier un peuple jusqu'à ce qu'un messager leur ait été envoyé. Donc, s'ils n'ont pas reçu de messager, ils ne vont pas être châtiés, même s'ils ont fait le péché, même s'ils ont désobéi, parce qu'ils ne savaient pas. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال une autre preuve, c'est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم rapporté selon Abi Huraira, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, nul juif de cet homme ou chrétien entend parler de moi, hein, il entend parler de moi et il meurt sans avoir cru en ce avec quoi je suis venu, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. فلنلحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي. On doit observer bien comme il faut la parole du prophète صلى الله عليه وسلم quand il dit nul n'entend parler de moi. فلا بد من بلوغ الحجة. Il faut que la preuve lui soit parvenue. Il faut qu'il ait entendu le message. حتى يكون إذا خالفها كافرا. Pour qu'il soit mécréant, يعني en le contredisant. Ça, ça ne veut pas dire que, pareil, on parle, là c'est par rapport, on ne parle pas des juifs et des chrétiens. Les juifs et les chrétiens, même s'ils n'ont pas entendu le message de l'islam, ils sont des koufars, quand même. Mais là, on parle de quelqu'un qui est musulman, puis qui commet un acte de kufr ou un acte de shirk. Là, on va dire, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il est kafir, jusqu'à ce que la preuve soit établie contre lui. الإمام الشافعي الفصيح اللغوي الذي يستشهد بكلامه في اللغة يقول بعد أن تكلم عن مسألة الأسماء والصفات الثابتة في القرآن والسنة فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. Donc l'imam al-Shafi'i, celui qui était un grand savant et un homme fort dans la rhétorique et très éloquent, et sa parole même est une preuve, est une référence dans la langue. Il parlait, après avoir parlé des questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah, il disait, propos de qu'est-ce qui est affirmé comme attribut et comme nom d'Allah dans le Coran et dans la Sunna, il a dit celui qui contredit après que la preuve ait été établie sur lui, alors il est kafir. Toutefois, avant que la preuve ait été établie contre lui, alors il est excusé par son ignorance. Et ça, c'est rapporté par Al-Dhahabi dans Mukhtasar al-Ulum et dans Al-Siyar. Et Ibn Hajar, il l'a rapporté également dans Fath al-Bari et Ibn Qudama dans Ithbat Sifat al-Ulu. Il dit al-yawm wa al-yawm hunaka hamalatun ala ulama al-salaf wa ala usul al-salaf wa annahum alladhina yanshurun at-takfir wa annahu in man tashara bi tariqihim wa yaquluna inna shaykh al-islam ibn taymiyyah nashara at-takfir wa haula'i sinfan صنف لا يعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يعرفون علمه وصنف في قلوبهم مرض ويريدون إلساق هذا الواقع بعلماء السلف لينفروا الحكام من السلفيين ويوقعوا الشر بالسلفيين وإلا من عرف شيخ الإسلام ابن تيمية وكان قلبه سليما يعلم أنه وعلماء السلف قد حاربوا التكفير والاعتداء فيه محاربة عظيمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني رحمه الله يقول ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين يرحمك الله لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Donc le cheikh il explique, il dit qu'aujourd'hui il y a des attaques contre les ulama des salafs qui sont portées et contre les fondements des salafs, et ils prétendent ou ils essaient de faire croire aux gens que le takfir a été propagé et diffusé par les salafs et par les ulama des salafs. Et que c'est eux, et par leur voix et par leur intermédiaire, que les gens sont tombés dans le takfir. Et ils disent que Ibn Taymiyyah a fait le takfir et a propagé le takfir. Et parmi les gens qui propagent cette idée-là, il y a deux catégories. Soit c'est des gens qui ne connaissent pas Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils ne connaissent pas sa science, ou bien soit que c'est des gens qui ont une maladie dans le cœur. Et ils veulent accuser et coller cette idée aux ulama des salafs pour que les dirigeants s'enfuient des salafiyins et pour faire tomber le mal sur les gens qui s'accrochent à la voie des salafs. Hein? Sauf que celui qui connaît réellement Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et qui a un cœur propre, il sait très bien que les ulama des salafs sont ceux qui ont combattu le plus le takfir et qui ont combattu la transgression au sujet du takfir et qui ont fait la guerre à cette attitude-là. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lui-même, il dit, et ça c'est dans Majmou' al-Fatawa, il dit que personne d'entre les musulmans n'a le droit de déclarer un autre musulman comme étant kafir, même si ce musulman a fait une erreur ou il s'est trompé, hein, il a fait une faute, jusqu'à ce que la preuve soit établie contre lui et que la voie lui ait été clarifiée. Parce que celui dont l'islam a été établi avec certitude, on ne peut lui enlever par un doute. Celui dont l'islam est établi avec certitude, on sait qu'il est musulman, on ne peut pas lui retirer son islam, excepté hein, par une certitude. Donc on ne peut pas lui enlever son islam par un doute. On lui enlève pas son islam, excepté après avoir établi contre lui la preuve et éliminé les ambiguïtés. اي نعم ويقول وقال رحمه الله مدافعا عن نفسه وهذه الجملة ننقلها لهؤلاء الذين يتهمون شيخ الإسلام ابن تيمية بالتكفير رحمه الله ومن جالسني يعلم ذلك مني il dit que après Cheikh al-Islam il dit cette parole pour se défendre lui-même de ceux qui lui accusent hein, qui l'accusent de ces propos-là ou de vouloir faire le takfir ou des choses de ce genre. Ibn Taymiyyah il dit lui-même, il dit: et celui qui s'est assis avec moi, il sait cela de moi. Anni min a'zami an-nas nahyan an yunsaba mu'ayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyah. Et ils savent de moi que je suis parmi les gens, celui qui interdit le plus qu'un individu en particulier soit attribué à la mécréance ou à la perversité ou à la désobéissance ou à un péché. Illa idha ulima annahu qad qamat alayhi al-hujja ar-risaliyya. Excepté si on a su que la preuve du message de l'islam a été établie contre lui. التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. Celui la preuve a été établie contre lui, la preuve du message a été établie contre lui, celle que si on la contredit, on est soit tantôt mécréant, ou soit tantôt pervers, ou soit tantôt désobéissant, ou dans le péché. Donc, ça c'est la première condition par rapport aux conditions du takfir. Maintenant, il y a encore... laissez-moi voir. En tout, il y a 6 conditions. Celle-là, elle était plus détaillée parce que il y avait plus de points à mentionner. Mais sinon, les autres sont plus courtes. Donc, soit on a deux choix. Soit on s'arrête, on fait l'isha puis on continue. Après, ou soit on les termine toutes, puis après on prie le Isha. Qu'est-ce que vous préférez? Ok, on termine. D'accord. الشرط الثاني. Donc, à propos de la deuxième condition, à propos de la deuxième condition, il y a une question qui est indiquée à l'intérieur de cette condition-là. Il y a un point qui est mentionné où le cheikh il va élaborer sur une question. Cette question-là, je ne vais pas la lire, je vais juste résumer. D'accord? الشرط الثاني أن يكون القائل أو الفاعل مكلفا بأن يكون بالغا. فلو قال الصبي كلمة الكفر فإنه لا يكفر لا يكفر لأن قلم التكليف مرتفع عنه ولو قال المجنون كلمة الكفر فإنه لا يكفر. La deuxième condition c'est que la personne il faut qu'elle soit mukallaf pour qu'on puisse la déclarer kafir. La personne qui a dit une parole de kufr ou qui a fait un acte de kufr doit être mukallaf. Si elle n'est pas mukallaf, alors dans ce cas-là, yani on ne va pas dire qu'elle est kafir. C'est quoi mukallaf? Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait atteint la puberté. Il faut qu'elle ait sa raison. Hein? Et bien entendu, il faut qu'elle soit musulmane. Si elle n'est pas musulmane, donc elle n'est pas musulmane déjà en partant. Donc, par exemple, le cheikh dit, si quelqu'un, il est pas majeur, il n'a pas atteint la puberté, et c'est un enfant, par exemple, l'enfant, il dit une parole de kufr, on ne déclare pas kafir. D'accord? Ou bien, la personne qui a perdu sa raison, hein, il est déficient intellectuel, ou des choses comme ça, puis il dit des paroles de kufr, on ne va pas dire qu'il est kafir, parce que c'est une personne qui n'est pas mukallaf. La plume de l'ange qui écrit les actes, elle est soulevée pour lui. D'accord? C'est ça la question. Puis là, maintenant, le cheikh, il mentionne à l'intérieur de ce point-là un point à propos de la personne qui dit une parole de kufr alors qu'elle est ivre. Hein? Et il explique que la personne qui est ivre, elle insulte la religion ou elle insulte yani Allah subhanahu wa ta'ala ou la religion ou des choses comme ça. Si elle est ivre, on va pas la déclarer kafir parce que l'ivresse, elle enlève la science et elle couvre la raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Le verset 43 dans sourate An-Nisa, ô vous qui avez cru, n'approchez pas la salat lorsque vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Enfin, donc ça, c'est la preuve que la personne qui est ivre, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'on peut tirer ici? C'est que, bon, c'est pour savoir que l'ivresse, elle couvre la raison. Et c'est comme dans l'histoire de Hamza qu'on a mentionné tout à l'heure, radiallahu anhu. La personne qui est en colère, est-ce que quand elle dit si elle dit une parole de kufr, hein, si elle divorce sa femme, elle dit ah, j'ai divorcé ma femme, j'étais en colère, est-ce que ça compte? Le cheikh il explique qu'il y a des degrés en fait de colère. Il mentionne qu'il y a trois degrés. Le degré où la personne elle est comme un fou, la colère l'a rendu fou. Et donc, ça couvre complètement sa raison. Il devient comme une personne folle. Hein? Et il ne connaît plus ni le ciel ni la terre. Hein? A'udhu billah. Donc, il ne sait même plus qu'est-ce qui est autour de lui. Peut-être que s'il voit sa femme, il va la divorcer. Il ne sait même pas qu'il l'a divorcée. Donc, si ça arrive à cet extrême-là, à ce point-là, dans la colère, dans ce cas-là, on va dire que ça compte pas. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne va pas dire qu'il a dit du kufr. Ça ne compte pas cette colère-là et dépasse la limite de la raison. Le deuxième degré, c'est la personne qui... Yani, la colère a pris le dessus sur sa raison. Hein? Puis, yani, c'est comme s'il ne contrôle plus ses paroles. Hein? Il ne contrôle plus ses paroles. Puis, c'est comme quelqu'un qui tombe et qui est paralysé. Il ne peut plus se remettre debout. Donc... une personne dans ce cas-là, Hein, il n'est pas capable de se taire à ce moment-là. La position correcte à ce sujet-là, c'est qu'il ne va pas être pris pour compte pour qu'est-ce qu'il dit. La preuve de ça, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». Hein? Allah ne met pas à une, il va pas charger une âme d'un poids qu'elle ne peut pas porter. Le troisième cas, c'est la colère ordinaire. La colère que, dans laquelle tu as le contrôle de ce que tu dis, puis que tu ne perds pas ta raison. Alors dans ce cas-là, yani, ça compte. Hein? Qu'est-ce que tu dis, ça va être compté, puis tu vas être pris pour compte pour ça. La troisième, c'est la colère ordinaire. La colère qui ne te fait pas perdre ta raison et qui ne que tu contrôles tes actions et tes paroles pendant cette colère-là. Donc là, tu vas être responsable de tout ce que tu dis et de tout ce que tu fais. La troisième condition, parmi les conditions du takfir, al-shartu al-thalith an yakuna muta'ammidan la muhti'an. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle ait dit ou qu'elle ait fait ce qu'elle ait fait, ou qu'elle ait dit ce qu'elle ait dit, qu'elle a dit de kufr, de façon volontaire et non pas par erreur. Si ce qu'elle a dit, elle l'a dit par erreur, ou ce qu'elle a fait, elle a fait par erreur, on ne va pas dire d'elle qu'elle a commis un kufr. Il dit « فَقَدْ يَقُولُ الْإِنسَانَ الْكُفْرَ مُخْتِئًا وَيُرِيدُ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا فَيُخْتِئ وَيَقُولُ شَيْئًا آخَرَ مِثْلَ مَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. » Donc peut-être que des fois une personne elle veut dire quelque chose puis elle le dit par erreur, elle se trompe. Elle dit le contraire de ce qu'elle veut dire. Comme dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, lorsque l'homme a dit « Oh Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. » Donc il n'a pas dit ça intentionnellement et il ne voulait pas dire ça. C'est une erreur. Dans ce cas-là, il est excusé. Le قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكما في الحديث الصحيح في هذا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 286 dans sourate Al-Baqarah dans le dua, notre Seigneur ne nous prend pas pour compte si on oublie ou si on fait une erreur. Donc si quelqu'un dit une parole de kufr par erreur, et ben il sera excusé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa an-nisyan wa mastukrihu alayhi. C'est-à-dire que Allah il a passé par-dessus les péchés de ma umma lorsqu'ils font un péché par erreur ou par oubli ou par la contrainte, à cause de la contrainte. Et la quatrième condition, الشرط الرابع أن يكون مختارا غير مكره. C'est-à-dire que la personne, elle a fait ce qu'elle a fait volontairement. Elle n'a pas été contrainte à dire ou à faire ce qu'elle a fait. فإن ثبت الإكراه فإنه لا يؤاخذ. فمثلا لو أن رجلا سلفيا على العقيدة السلفية قال القرآن كلام الله فجاءه ظالم وهدده بأمر يخاف منه كأن يهدده بقتل أو نحو ذلك قال قل القرآن مخلوق قال القرآن مخلوق وهو مكره غير مختار فإنه لا يؤاخذ لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Donc si par exemple une personne on a établi qu'elle a été contrainte à dire une parole, elle va pas être prise pour compte. L'exemple, si un homme qui est salafi dans la aqida salafi et il dit le Coran c'est la parole d'Allah. Puis là il y a un homme injuste qui vient qui le menace de quelque chose qui lui fait peur. Hein, je vais te tuer. Dit que le Coran est créé et lui il dit le Coran est créé parce qu'il est contraint. Il n'a pas choisi de le dire vraiment de lui-même, volontairement. Alors, dans ce cas-là, il ne sera pas pris pour compte. Parce qu'il n'a pas dit ça volontairement. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, le verset 106, dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala exclut celui qui a été contraint à dire une parole de kufr, alors que son cœur est dans la sincérité de la foi. Donc lui, il ne sera pas puni ou châtié. On ne dira pas de lui qu'il est kafir parce qu'il a dit ça. Tu vas dire, ah mais je l'ai entendu, il a dit que le Coran est créé. Oui, mais regarde le contexte, il a été contraint. Donc, il n'a pas voulu dire ça pour de vrai. C'est quelqu'un, on sait que, hein, il croit en Allah et il n'a jamais voulu nier la parole d'Allah. Donc, si on a vu que la personne, hein, dans cet état-là, il a dit ça, donc on va savoir qu'il a été contraint, on ne va pas dire de lui qu'il est kafir. La cinquième condition, al-shartul khamis, yakun al-fi'l ou al-qawl mukaffiran wa la shubhata fih. Donc la cinquième condition, c'est que l'action ou la parole soit quelque chose de kofr, dans lequel il n'y a pas d'ambiguïté ou de doute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur le fait que cette chose, hein, soit kofr en soi, cette parole ou cette action. فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ النَّاسِ إِنَّهُ مُكَفِّرٌ فَيَكُونُ مُكَفِّرًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُكَفِّرٌ ولا شبهة تدرأ التكفير فإذا وجدت الشبهة فإنه يدرأ التكفير. Il dit que des fois, par exemple, les gens vont dire ça c'est kofr, ou cette parole est kofr, ou cette action est kofr. Mais c'est pas parce que quelqu'un a dit que cet acte est kofr que c'est nécessairement quelque chose qui fait devenir kafir. Il faut établir avec certitude que l'action ou la parole en question est réellement un kufr. Et s'il y a une ambiguïté ou s'il y a un doute, alors dans ce cas-là, on doit repousser le takfir. Hein? On ne peut pas faire le takfir en présence d'une ambiguïté ou d'un doute. D'accord? Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle la personne, elle a compris la chose d'une autre façon. Donc s'il y a de la place pour un doute ou une ambiguïté, dans ce cas-là, on ne peut pas faire le takfir et dire que la personne est kafir. La dernière condition qui est mentionnée par le cheikh, shartu sadis, as-salamatu min al-mawani'. Il faut que les empêchements soient éliminés. Il faut que les empêchements soient éliminés. Et parmi les empêchements, c'est en fait le contraire, la présence de ces conditions-là. Le contraire. Comme par exemple, la première condition, on a dit, c'est iqamatul hujja. Donc, ça implique que la personne doit avoir la science. Donc, un empêchement, par exemple, c'est l'ignorance. On a dit que la personne, il faut que, par exemple, la deuxième condition, on a dit que c'était que la personne soit mukallaf. Donc, une des empêchements serait que la personne soit il n'a pas atteint la puberté, par exemple. Ça, c'est un empêchement. Il n'a pas la puberté. Ou bien, il est fou. Donc, il ne peut pas être déclaré kafir. Un autre exemple aussi, on a dit que la personne, il faut qu'elle le dise intentionnellement. Si que la personne, elle a dit ça par erreur, donc ça, c'est... Hein, c'est pas, tu ne peux pas la déclarer kafir. Donc, un empêchement serait que la personne, elle a dit ça par erreur. Ou bien que la personne ait été contrainte. Donc, il faut vérifier que la personne n'a pas été contrainte. Ça, c'est un empêchement. Et ainsi de suite. Donc, il faut éliminer ces empêchements-là. Vérifier que ces empêchements-là sont pas présentes. Hein? Donc, il faut vérifier la présence des conditions et qu'elles sont réunies et que les empêchements sont éliminés. Si c'est le cas, là, dans ce cas-là, les ulama déclareront la personne en question comme étant kafir. D'accord? Donc, ça c'est qu'est-ce que je voulais clarifier par rapport à ces points-là. Maintenant, il y a d'autres points, c'est sûr, qui ont rapport avec la question des khawarij, comme par exemple les questions de l'autorité, de l'obéissance aux dirigeants, et d'autres points. Mais je pense qu'on a touché aux points les plus importants, et on a mis en garde de façon générale vis-à-vis des égarements et des erreurs et des caractéristiques. Et on a expliqué les causes de leurs égarements. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut expliquer si on voudrait faire d'autres des détails encore plus approfondis. C'est possible, mais bien entendu, on est limité aussi par rapport au temps. Donc, je pense qu'avec ce qu'on a expliqué jusqu'à date, il y a dans ça des informations qui sont, inshallah, on espère, qui nous aideront à éviter les pièges et les ambiguïtés de ces gens-là et qui nous donnera une compréhension plus claire de la réalité de notre attachement à la compréhension des salaf salih et qui fera en sorte que notre compréhension de la salafie sera encore plus ferme. Parce que par le fait de connaître le faux, ça nous aide à nous attacher plus fermement au vrai. Et c'est pour ça que le compagnon, sahabi, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il disait « Kana an-nas yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an al-khair, wa kuntu as'aluhu an al-shar, makhafatan an yudrikani dhalik. » Donc il dit, les gens, ils demandaient au messager d'Allah à propos du bien et des bonnes choses. Et moi, je demandais à propos des mauvaises choses et du mal, parce que je craignais que ces choses-là m'arrivent. Donc en sachant le mal, tu risques d'être capable ou tu peux t'en préserver. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on apprend les choses au sujet des groupes et des sectes pour être capable de s'en préserver. C'est pas pour les apprendre pour les suivre, non, c'est les apprendre pour les connaître, pour être capable de s'en protéger par la suite. Et donc cette connaissance-là, elle devient une connaissance utile et bénéfique. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et ce sera la conclusion donc de ce séminaire. Et alhamdoulillah, comme d'habitude, j'ai bien aimé le temps que j'ai pu passer avec mes frères à Québec. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cet humble effort de ma part et de la part des frères qui ont organisé cet événement à la mosquée Al-Athar. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de remplir cette mosquée de bénédiction et de miséricorde et de faire en sorte que ce soit un des remparts de la sunnah dans ces contrées, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tout écart et tout manquement. Et en même temps, on remercie nos ulama et nos mashaykh avec les livres desquels on a pu justement profiter dans cet événement pour justement être capable de comprendre et de clarifier encore mieux cette religion et cette voie, cette méthodologie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم